Au volant, on peut éprouver une fatigue visuelle? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une fatigue nerveuse? Oui, réponse C. Non, réponse D.